tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Génération ZAD, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'on a fêté en avril 2021 les 50 ans de la lutte du Larzac et que ça nous a donné envie de remonter le temps de la longue histoire des luttes environnementales alors que naissent et disparaissent la ZAD de Gonesse et celle du Carnet. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, la révolution industrielle, les fumées des usines, la bièvre polluée et un historien qui raconte ce plateau du Larzac où se sont croisés des pacifistes, des écologistes et des éleveurs face à un projet militaire. Mais pour commencer, deuxième épisode, on arrive dans un endroit tout neuf. Les gens ont tendance à dire la ZAD et croire que c'est une entité homogène. Mais évidemment, une des choses qui est à la fois déroutante quand on y arrive et fantastiquement riche, c'est que c'est justement pas du tout homogène. C'est pour ça que c'est l'ébauche d'un monde autre avec toute la diversité d'un monde qui émerge. Quoi. Mon expérience de presque 20 ans d'implication dans les mouvements sociaux, c'est que on est toujours plus fort quand on passe son temps à se réinventer. Quand on commence à cristalliser des formes, à se dire « Ah, mais ça, ce truc-là, ça a marché. » Donc on va continuer à le faire, on va répliquer. Alors effectivement, la répression, elle est plus facile. Parce que eux aussi, ils ont repéré comment ça fonctionnait, ils trouvent les leviers, ils trouvent les coins. On est fort en lutte quand on a aussi le courage de ne pas se reposer sur les acquis. Le Larzac, ce n'est pas le grand soir, ce n'est pas un moment révolutionnaire. C'est à un moment donné, problématisé et surtout considéré comme intolérable, le fait d'exclure des gens de leur quotidien. Le slogan « Gardarem le Larzac », c'est « Sauvons le Larzac » ou « Gardons le Larzac ». Alors on pourrait le lire aujourd'hui plutôt comme « Défendons le Larzac » si on considère que émerge là quelque chose de très important. Ce que veulent sauvegarder absolument les paysans du Larzac, c'est le devenir du Larzac. Génération ZAD, aux origines de la colère, par Alain Lefkovitch et Marie-Laure Ciboulet. Tous ensemble, on peut appeler ça la stratégie destituante, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements qui essayent de s'organiser à l'écart de l'État, de le rendre petit à petit inutile en réapprenant justement à s'organiser sans lui, sur des territoires. Parce que si on n'a pas un territoire, ça reste relativement abstrait. À peine né, le capitalisme portait en lui les raisons de la colère et des premières luttes environnementales. Les règles d'un jeu très complexe se mettaient alors en place, entre logique de production et contrainte environnementale, l'une et l'autre étant l'objet de négociations permanentes entre intérêts contradictoires. Partout, des conflits locaux éclatent, opposant affairistes et citoyens, comme ceux qui vont créer en 1854 la première structure environnementale avec la fondation de la Société impériale zoologique d'acclimatation, ancêtre de France Nature Environnement. Rien ne sera plus comme avant, et certains de ces conflits environnementaux vont finir par marquer la mémoire collective. Larzac, Plogoff, WNDDL, Notre-Dame-des-Landes résonnent comme les plus valeureux des légendaires combats du pot de terre contre le pot de fer, et les plus belles victoires. Tour à tour légaux et extra-légaux, ouvertement partisans ou apparemment apolitiques, ces conflits nous racontent comment au fil du temps s'est construite et diffusée une conscience environnementale. Dans un monde où small is not beautiful, un monde greenwashé, dans lequel même polluer se fait au nom de l'écologie, le temps n'est plus à l'indignation. La génération climat est désormais en ordre de bataille, équipée d'armes de désobéissance et qui hypothèque l'avenir de certains projets capitalistiques dévastateurs. Les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, le droit et la ZAD y contribuent largement. Avant l'industrialisation, l'urbanisation du 19e siècle, on a plusieurs types de luttes environnementales. En fait, un des grands ensembles, ça va consister à lutter contre la destruction des communs, par exemple. Thomas Leroux, historien, spécialiste des luttes environnementales. Puisqu'il y a un processus du 17e au 19e qui consiste à la privatisation des communs. Et ces communs étaient très importants pour les communautés locales pour vivre et laisser paître leur bétail, par exemple, ou ça leur servait pour le glanage, le ramassage du bois, etc. Et la privatisation de ces communs va engendrer en fait des révoltes partout en Europe. En fait, on trouve d'autres types de luttes environnementales, entre guillemets, par exemple pour tout ce qui concerne les projets de mines, parce que là, ce sont concrètement des projets qui vont venir modifier un territoire en profondeur, puisque des exploitations minières peuvent être créées sur des sites qui étaient vierges de toute exploitation. Ça pouvait avoir donc pour conséquence de redistribuer les cartes de la possession des terres, en fait. Il n'est pas rare du tout que les communautés locales se révoltent, pétitionnent, se rassemblent, fassent des recours juridiques. On pourrait parler d'un problème environnemental de nos jours, sauf que dans les mots de l'époque, c'est plutôt de la survie des populations, en fait. Donc en fait, avant les années 1820-1850, en général, la question de l'altération de l'eau est quelque chose de tout à fait dramatique pour les populations, puisque ça touchait directement à leur survie. À partir des années 1850, en fait, les ingénieurs trouvent des moyens d'adduction d'eau qui leur permettent de puiser l'eau ailleurs, ce qui fait que la pollution des eaux, paradoxalement, on pourrait dire qu'il y a une prise de conscience, mais en fait, après 1850, la pollution des eaux est devenue quelque chose, un enjeu assez mineur pour les populations locales, parce qu'elles peuvent s'approvisionner en eau potable bien plus loin, sur des sources, sur les plateaux, etc. Comment ça se passait? La justice était rendue par rapport à ça, et on donnait souvent raison aux communautés, contrairement à aujourd'hui? Exactement, en fait, être à la source de ce qu'on peut appeler la déplétion de poissons ou l'altération de l'eau qui pouvait mener au dépérissement en fait, des ressources piscicoles était considéré comme un crime, en fait. Enfin, c'était considéré comme attentatoire à la santé, à la vie des communautés locales, donc ça pouvait être poursuivi en cour criminelle. De même, par exemple, laisser s'échapper des fumées. Ça, c'est pas tellement de l'ordre de l'alimentation, mais on considérait que les fumées étaient néfastes pour la santé humaine, attentatoires à la santé publique, et donc laisser s'échapper des fumées à proximité des habitations était considéré comme un délit, et donc était passible de peine de prison. Le Petit Journal, 22 septembre 1887. Nous avons annoncé qu'une pétition tendant à l'assainissement des eaux de la Bièvre se signait en ce moment dans le 13e et dans le 5e arrondissement de Paris. Tous ceux qui, pendant l'été, ont traversé certaines rues du quartier Croulebard, du Jardin des Plantes ou de la Maison Blanche, reconnaîtront que les habitants de ces quartiers ont bien sujet de se plaindre. La Bièvre, qui au sortir du plateau de Satory est une pimpante et claire rivière, arrose quelques-unes des plus coquettes localités des environs de Paris, mais après son entrée dans les fortifications, après avoir servi aux blanchisseurs, aux tanneurs qui peuplent ses rives, elle se transforme en un véritable... De nos jours, c'est très difficile de lutter contre un établissement industriel, en fait. C'est possible, hein. Mais il est très rare que ça se traduise par des poursuites en cour correctionnelle. Ça peut être le cas si il est prouvé que l'industriel est délibérément enfreint les règles de fonctionnement de son usine, hein. Mais globalement, de nos jours, il est possible de s'opposer à l'établissement d'un projet industriel lors de l'enquête publique. C'est le préfet, de toute façon, qui va délivrer l'arrêté d'autorisation. Et généralement, il le fait, quelles que soient les oppositions. Là. Donc, par exemple, pour reprendre l'actualité, il y a une très grosse usine qui a demandé à s'implanter près de Soissons. C'est une usine qui s'appelle Rockwool, qui fabrique de la laine de roche. Et il y a eu plus de 600 oppositions notées dans le procès-verbal d'enquête. Le commissaire enquêteur a émis un avis négatif, d'ailleurs, à cause des pollutions et de la mauvaise insertion paysagère. Malgré cela, le préfet vient d'autoriser l'usine. Donc en fait, quand on regarde, les recours sont quasiment nuls de nos jours contre un établissement industriel, alors qu'ils étaient relativement aisés en fait avant 1810, mais même au 19e siècle, c'était beaucoup plus facile. Archives, 14 février 2020. On sait qu'il y aura des polluants qui vont aller sur la cuvette, puisque l'usine sera sur le plateau avec les vents dominants qui vont amener effectivement les fumées sur Soissons. Or, on n'a eu aucune expertise indépendante qui nous indique que ces fumées ne sont pas polluantes. L'usine ressemblera à celle de Saint-Éloi-les-Mines en Auvergne. Elle doit produire de la laine de roche pour le marché de l'isolation en plein essor. 135 emplois annoncés. Pour le maire sortant, cela ne se refuse pas. Nous parlons de 135 emplois directs et à peu près le double, c'est-à-dire 300 emplois indirects. Soit 400 familles que nous pourrions sortir du drame de chômage. Bien évidemment... pas au détriment de leur santé. Le troisième grand type de lutte environnementale qui peut exister dans l'histoire, c'est à propos des implantations industrielles. Avec l'industrialisation, ça change d'échelle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un double processus qui fait qu'il y a un changement de conception médicale et un changement dans le droit. Changement de conception médicale, ça va être de dire que les mauvaises odeurs ne sont pas toutes dangereuses pour la santé finalement. Et ça, ce sont les chimistes très proches des milieux industriels qui vont le formaliser à la fin du XVIIIe siècle. De ce fait, l'industrie chimique, par exemple, va devenir inoffensive alors qu'elle était considérée comme très agressive auparavant. Et le deuxième changement, c'est le changement dans le droit. Le droit n'était pas du tout adapté au monde industriel, puisqu'il était interdit de nuire à son voisinage. Et donc, il y a tout un processus partout en Europe, mais très brutal en France, qui fait que le droit des nuisances va être modifié radicalement. Et en France, ça se traduit par une loi en 1810, après la Révolution française et sous le Premier Empire, qui est la loi sur les établissements insalubres, qui va extraire le phénomène industriel du droit commun et qui va créer un droit administratif spécifique au monde industriel qui lui permette d'exister, en fait. Donc c'est court, il y a eu beaucoup de protestations, beaucoup de procès, et tout au long du 19e, d'ailleurs, ça continue. Mais c'est quand même balayé globalement par l'idée que l'industrie et l'industrialisation donc amènent de l'activité économique et amènent de la prospérité. Monsieur Romer Poujade, 42 ans, professeur, un enfant, député de Dijon. 7 janvier 1971. Devient le premier titulaire du ministère de l'Environnement. Le terme même d'environnement dans la langue française, au sens où on l'entend aujourd'hui, on le retrouve très peu avant les années 70. Vraiment, l'utilisation du terme d'environnement, ça commence principalement sur des enjeux qui ne sont pas des enjeux conflictuels a priori, puisque le terme d'environnement, il va être utilisé d'abord par le ministère de l'Environnement à partir de sa fondation en 1971. Renaud Bécaud, historien, spécialiste des luttes syndicales et environnementales. C'est un vieux terme qui était parti du français, qui avait été transféré vers l'anglais, puis qui va revenir en France vraiment dans ce contexte d'invention technocratique de l'environnement. Mais il n'y a pas de dimension conflictuelle à ce moment-là. Le ministère de l'Environnement est une création, M. Poujade. Et cette création correspond sans doute à une signification. Je pense en effet qu'elle correspond non seulement à une signification, mais à un besoin. Vous savez qu'à l'étranger, de grandes campagnes ont été menées pour la protection de l'environnement, pour l'amélioration de l'environnement. Et le président de la République, le Premier ministre ont successivement prononcé des déclarations dont vous vous souvenez qu'elles ont été considérées comme très importantes sur l'environnement. C'est donc, je le pense, en effet, une tâche qui est apparue comme à la fois nouvelle et très nécessaire et une mission qui m'a été demandée d'assurer. Il y a un certain nombre de luttes urbaines qui se déroulent dans ces années-là, qui sont liées à l'aménagement du cadre de vie des classes populaires et qui induisent un certain nombre d'enjeux qu'on qualifierait aujourd'hui d'environnementaux. Par exemple, sur l'accès à certaines ressources essentielles, l'accès à l'eau par exemple, l'accès à l'énergie, mais également l'aménagement de la ville avec des espaces verts ou l'accès à certains espaces naturels qui pouvaient être verrouillés pour des classes aisées et auxquels un certain nombre de mouvements populaires vont demander un accès. Et à ce moment-là, on ne parle pas d'environnement, enfin ces mouvements-là ne parlent pas d'environnement, ils vont parler de cadre de vie. Et certains d'entre eux, je pense en particulier à des syndicalistes de la CFDT qui ont une réflexion dans ce domaine-là, vont avoir une réflexion théorique sur le cadre de vie en estimant qu'il faudrait connecter les luttes dans les entreprises, dans les usines, avec des mobilisations à l'extérieur de ces entreprises-là. Et ils considèrent que d'une certaine manière, ce qui a été acquis par des luttes ouvrières dans l'entreprise peut être repris par les employeurs à l'extérieur ou par le patronat à l'extérieur de l'entreprise. Et donc la réflexion environnementale pour ce syndicaliste-là, par exemple, elle passe par ce biais-là et par ce terme de cadre de vie. Et est-ce que le nouveau ministre de l'Environnement a déjà un plan de travail et déjà une priorité dans son nombre de travail ? Bien sûr, car en réalité, je n'arrive pas sur une terre vierge. Le Premier ministre avait déjà proposé une série de 100 mesures concernant l'environnement, vous en souvenez sans doute, qui sont extrêmement variées, puisqu'il s'agit aussi bien de l'amélioration du cadre de vie dans les villes, que de la lutte contre la pollution marine, que de la lutte contre les pollutions des rivières. Il serait évidemment très long de vous énumérer l'ensemble de ces mesures qui sont d'un très grand intérêt, mais qui demandent évidemment beaucoup de moyens. Le terme d'environnement tel qu'il apparaît dans le discours du ministère de l'Environnement, déjà il va être fortement critiqué par un certain nombre de mouvements, mais avec des réflexions théoriques parfois importantes qui vont être menées pour critiquer ce terme-là. Mais comme ce ministère s'impose, le vocabulaire qu'il déploie va aussi, dans une certaine mesure, s'imposer. Et à ce moment-là, les militants qui vont vouloir se positionner sur ces questions-là vont davantage commencer à parler d'écologie éventuellement, mais même au Larzac, ça reste limité. Ça va être davantage à la fin des années 70 que les termes d'environnement ou d'écologie vont davantage être utilisés par les mouvements sociaux. Quelle est la place du Larzac? C'est la première grande lutte, c'est l'exemple, c'est ce qui donne le top départ de tous ces mouvements. Le grand rassemblement de 73 sur le Larzac, ça peut apparaître comme une charnière pour plein de raisons. D'abord, dans les mouvements qui vont se retrouver là-bas, on va avoir des profils extrêmement différents, mais qui restent quand même polarisés par l'onde de choc des conflits des années 68. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même beaucoup d'organisations militantes qui sont marquées par un marxisme hétérodoxe, qui sont marquées par les conflits d'usines des années 68 et de l'après-68. Pensez à LIP, par exemple, où il y a des personnes de LIP qui sont représentées là-bas. On retrouve des mouvements étudiants, on retrouve des organisations de gauche radicale, donc polarisé quand même sur l'idée qu'il reste une centralité ouvrière et que les luttes qui vont transformer la société passent par le monde ouvrier. Et en même temps, à côté de ces militants-là, on va avoir des profils qui détonnent davantage par rapport à cela. On va avoir des mouvements pacifistes qui ne sont pas nécessairement polarisés par l'idée d'une centralité ouvrière. On va avoir des mouvements paysans qui commencent à politiser davantage la façon de produire en agriculture. Alors, les habitants du Larzac, ceux qui habitent le Larzac depuis un moment, vont d'abord avancer un argument qui est de défendre une structure de l'économie locale fondée sur l'agriculture, en opposition avec l'idée qu'un camp militaire s'installe et vienne complètement perturber finalement les relations sociales locales et les pratiques économiques traditionnelles localement. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas de canon, jamais nous ne partirons. De gré de force, nous garderons Larzac. De gré de force, nous garderons Larzac. On ne peut pas dire que le Larzac ait accueilli beaucoup d'intellectuels. Philippe Artière. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, elle a l'avantage d'être proche de Nantes. Hein. Directeur de recherche au CNRS. Auteur du livre « Le peuple du Larzac ». Elle est à 2h30 de Paris, hein. C'est facile. Aller sur le Larzac, ça prend un peu plus de temps. Donc il n'y a pas d'intellectuels qui sont venus sur le Larzac. Sartre n'est pas venu, Foucault n'est pas venu. Il y a des gens de Montpellier, de Toulouse qui sont venus, mais il n'y a pas de grandes figures intellectuelles. Mais on parle le même combat. 3 juin 1981. Le soulagement est d'autant plus grand en ce moment sur le Larzac que l'attente commençait à peser. Il semble même que jusqu'à hier encore, il y ait eu des grains de sable dans les rouages. La délégation de paysans qui a été reçue hier par M. Fournier, secrétaire général adjoint de l'Élysée, et par M. Jouot, conseiller technique du Premier ministre, a fini par emporter le morceau, par convaincre de renoncer purement et simplement au projet. Le Larzac est victorieux. Alors, il reste maintenant le problème des 6000 hectares des luttes acquis à l'amiable par l'armée. Qui gagnent ? Il n'y en a pas beaucoup. Le Larzac, c'est espoir. Le Larzac, oui, on peut gagner des luttes. Donc ça, c'est un horizon. C'est aussi un point important. Dans le cadre, par exemple, d'office foncier. De même qu'ils ont des projets communs pour continuer à organiser l'agriculture sur le plateau. En attendant, l'Assemblée Générale de tous les comités Larzac et de tous ceux qui ont soutenu la lutte des Larzaciens aura bien lieu, comme prévu, samedi et dimanche prochain à Montredon sur le plateau. Nul doute que cette Assemblée Générale se doublera d'une fête enthousiaste. Car la mondialisation, ben c'est la disparition des petits cultivateurs. On avait passé l'été à faire libérer José en tapant la mesure. Sur des bidons de mazout, sur des glissières d'autoroute, les grilles des préfectures. Il me semble que c'est en quelque sorte la première grande ZAD en France, en tout cas à cette échelle. Et de nos jours, c'est vrai que la ZAD s'est avérée un outil assez efficace en fait contre ces projets. Et ça fonctionnait souvent quand il y avait une population locale déjà bien assez nombreuse, avec un tissu social assez dense et des usages aussi et des intérêts qui leur permettaient de soutenir la lutte sur le long terme, en fait. Comment est-ce que le combat se réorganise autour de ces exigences environnementales et à partir de quand la ZAD devient un outil ? En fait, c'est difficile de dire que la ZAD deviendrait complètement un nouvel outil à un moment donné et qu'elle n'aurait pas existé avant. On va aussi voir des formes militantes sur certains conflits, alors qu'ils peuvent paraître limités, mais qui d'une certaine manière peuvent apparaître comme des préfigurations des formes que va prendre la ZAD dans les années 2000. Et je pense là en particulier à un conflit qui va avoir lieu à Markolsheim, en Alsace, tout près de la frontière avec l'Allemagne. C'est en 1973 qu'a été annoncée la construction de l'usine sur le terrain de la zone industrielle de Markolsheim. Qui va mobiliser à la fois des militants côté français et côté allemand qui vont venir sur le site de Markolsheim. Dans le pays, ce fut une grande nouvelle. 400 ans. À ce moment-là, on a un projet d'implantation d'une usine chimique dans laquelle on manipulerait notamment du plomb avec toute une série de problèmes de santé qui peuvent se poser derrière. Et donc les militants locaux, en apprenant ça, vont occuper le site sur lequel est prévue cette implantation d'usine. Et ces militants-là sont pour une partie des militants qui viennent du mouvement antinucléaire ou d'un militantisme plus de protection de la nature, plus classique alsacien, qui est très développé dès la fin des années 60 et qui se mobilise sur les questions nucléaires au tout début des années 70, donc avant même le plan d'équipement électronucléaire. Donc ça, c'est une partie des militants qui occupent le site de Markolsheim, mais il y a aussi des militants syndicalistes, notamment CFDT, qui vont se mobiliser sur ce terrain. Sur ce site-là, il y a vraiment l'idée d'une occupation du terrain et d'essayer de créer des formes de vie alternatives. Donc ça peut rappeler, dans une certaine mesure, la ZAD, même si ça ne se déploie pas sur aussi longtemps que ce qu'on a connu à Notre-Dame-des-Landes. 10 octobre 1974. Le 20 septembre, le terrain est occupé par une partie de la population, soutenue par les vignerons venus d'Outre-Rhin. Ça va faire la quatrième semaine bien révolue déjà. Et le travail ici s'organise petit à petit. Les gens viennent quand ils peuvent. C'est surtout le samedi et le dimanche, évidemment, que nous avons beaucoup de monde. Vous vous occupez jour et nuit ? Jour et nuit. Votre terrain est occupé depuis le 20 septembre, je crois. Oui, c'est juste. Alors qu'allez-vous faire ? Eh bien, on tâche d'informer la population, on tâche de s'appuyer sur l'administration. On va tâcher par tous les moyens de défendre notre droit. Tous les moyens, jusqu'où ? Tous les moyens juridiques, évidemment. Et si la population ne bouge pas ? Ben, évidemment, elle doit bouger, parce que finalement, c'est complètement illégal ce qu'elle fait. Et en France, comme en Allemagne, c'est le droit qui doit régner toute la vie publique. Les gens de la GIGISM et tous les autres gens des autres comités, ils ont tous les moyens juridiques à leur disposition pour empêcher quelque chose qui ne leur plaît pas. Mais ils ne peuvent pas recourir à des moyens illégaux. Et on saura se défendre. La décision appartient sans doute au ministère de la Qualité de la Vie. Au bout du compte, cette affaire dépasse de loin le cadre de Markolsheim. Elle pose une question fondamentale. Pourquoi une commune n'aurait-elle pas le droit de décider de son avenir ? Et Markolsheim a fait un choix. Celui de la qualité de la vie aux dépens d'une certaine forme d'industrialisation. Un choix qui doit faire réfléchir. À la fin des années 70, ce qui change dans la sociologie des mouvements qui vont être sur le terrain environnemental, d'une part, c'est que du côté des syndicalistes, il y a une difficulté plus forte qui est liée à la pression économique plus importante depuis la crise pétrolière. Donc c'est beaucoup plus difficile de s'investir sur le terrain environnemental depuis l'entreprise. Il y avait eu des leviers au début des années 70 qui ont été des leviers importants pour les syndicalistes dans ce domaine-là, notamment en travaillant par les comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises polluantes. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. Donc les militants syndicaux qui avaient une sensibilité environnementale, ils vont davantage développer leur action environnementale en passant par des associations à l'extérieur du lieu de travail, parce qu'il peut y avoir une crainte pour l'emploi aussi, et c'est dans ces années-là qu'on voit apparaître aussi le discours du dilemme d'emploi-environnement, qu'on ne voyait pas aussi agissant dans les années précédentes. Après, sur les associations de protection de la nature, donc plus classiques, qui existent depuis plus longtemps, qui ne sont pas environnementales ou écologistes au sens où on l'entend aujourd'hui, elles se structurent davantage dans les années 70, avec des fédérations régionales, puis qui vont se regrouper au niveau national, et donc elles ont une force de frappe qui devient plus importante et ça va aussi leur attirer des militants. Force de frappe qui est renforcée aussi par les liens qu'ils vont tisser avec le ministère de l'Environnement, puisqu'y compris dans les services de l'environnement industriel au ministère de l'Environnement, il va y avoir parfois des formations qui vont être organisées pour les militants des associations de protection de la nature. Et donc tout ça, ça fait que finalement ces associations-là, elles apportent un certain nombre de services à leurs membres et donc ça attire aussi des nouveaux profils militants dans ce type d'association. Et puis surtout, ce qui marque un changement à la fin des années 70 par rapport au début des années 70, c'est le fait que le mouvement antinucléaire a pris une force très importante en France. Et ce mouvement antinucléaire qui s'est autonomisé, ça va transformer aussi la sociologie du militantisme écologique, puisque d'une certaine manière, l'écologie politique telle qu'elle s'invente en France, elle va être très liée à ces luttes antinucléaires et tout le corpus idéologique du mouvement écologique va être lié à ces luttes-là. Depuis décembre 1974, date à laquelle la presse locale fit état d'un projet de ce genre sur le territoire de Kogo, les habitants de la commune se sont vivement intéressés à cette affaire. Manifestation antinucléaire 1979. Se sont informés. Et je peux vous dire aujourd'hui que la quasi-unanimité de la population est farouchement opposée à ce projet d'EDF. Ce mouvement antinucléaire-là, il va quand même s'essouffler en partie après ces premières victoires-là au début des années 80. Il va s'essouffler aussi parce que d'une certaine manière, ce qui avait fait une de ses forces, c'était de réussir à lier des formes de militantisme assez classiques et un militantisme fondé sur la contre-expertise. Une contre-expertise qui venait notamment de physiciens du CEA, entre autres, qui étaient devenus très critiques de l'utilisation de l'énergie nucléaire et qui, d'une certaine manière, donnaient un gain de crédibilité aussi à ce mouvement-là. Et ces personnes-là, pour une partie d'entre eux, étaient syndiqués, vont... au lendemain de l'élection de François Mitterrand, se retrouver dans certains cabinets ministériels pour certains, et puis surtout au sein de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, qui est fondée à ce moment-là et qui va recruter un certain nombre de personnes qui avaient été investies dans la critique du plan nucléaire dans les années précédentes. Donc ça, c'est un facteur qui quand même va affaiblir, en tout cas, le militantisme antinucléaire, mais peut-être aussi plus généralement la structuration de certaines formes d'écologie en France. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un tournant pour un réveil écologique? Alors dans les années 80, quelque chose qui va être très marquant, c'est un certain nombre de grandes catastrophes qui vont être très médiatisées. Il y a principalement la catastrophe de Bhopal en 1984 avec donc une explosion d'une industrie chimique en Inde qui va provoquer plusieurs centaines de morts et qui va être un peu un traumatisme. Deux ans plus tard, c'est l'accident de Tchernobyl qui là aussi va marquer les mouvements écologistes et dans le cas français, ça va d'autant plus marquer qu'il va y avoir une forme de déni d'un certain nombre d'autorités scientifiques sur ce qu'on a appelé par la suite le nuage de Tchernobyl. Finalement, dans les années 90, il va y avoir un peu un creux, un reflux un peu de ces espoirs écologistes. Mais il y a quelque chose qui va être marquant pour ces mouvements, ça va être à la fin des années 90, la naissance de ce qu'on appellera par la suite l'altermondialisme, avec les actions symboliques du McDo de Millau, avec la figure de José Bové et la Confédération paysanne derrière qui s'impose comme un nouvel acteur de l'écologie politique en s'inscrivant dans l'héritage des combats des années 70 et notamment du Larzac, avec la structuration à l'échelle internationale des forums sociaux mondiaux et puis les grands sommets avec une contestation un peu ritualisée, un peu spectaculaire au moment de Seattle, au moment de Gênes, etc. Et donc là, cet altermondialisme, ça va être un renouveau d'espoir pour les courants écologistes, à la fois dans ses versants les plus institutionnalisés au sens des partis, et aussi pour des courants plus radicaux qui vont pouvoir trouver dans l'altermondialisme une fenêtre d'action. Aux antipodes de Davos, Porto Alegre, c'est le rendez-vous de tous les pauvres de la planète et des mouvements anti-mondialisation. Il y a eu le temps des manifestations. 27 janvier 2001. Voici maintenant venu le temps de la réflexion et de la coordination pour imposer une alternative au système économique actuel. On estime qu'il faut que nous réfléchissions à des réponses à la globalisation libérale du monde, à la mondialisation libérale qui aujourd'hui accroît les inégalités, pose des problèmes pour l'environnement. Au total, plus de 10 000 personnes participent au premier forum social mondial, représentant 122 pays pour 6 jours de débats et d'échanges d'expériences. Il faut avancer la globalisation des droits humains et les objectifs de la justice sociale. Il faut avancer la société. Les discussions politiques d'il y a 20 ans, elles sont toujours valables, c'est-à-dire la critique du capitalisme, la critique de la libéralisation du commerce, la critique des inégalités nord-sud, elle est toujours valable. Jadeline Gart, journaliste à Mediapart et membre du collectif Des Terres pour Aubert. Mais elle s'est considérablement renforcée avec la compréhension de la gravité des dérèglements climatiques, du fait que ces dérèglements climatiques sont des accélérateurs en fait de ces inégalités et de la prédation capitaliste. Donc il y a un cadre général qui crée plus d'urgence en fait. Quelque part, la contrainte en fait politique, elle est plus forte. C'est-à-dire qu'il faut défendre des moyens de subsistance pour tous qui permettent la protection des écosystèmes dans lesquels on vit. Et que face à ça, à cette exigence qui est notre moment de société, moi je considère que les institutions, elles ont largement failli. Notre social-démocratie, qui à la fois est précieuse, pour l'instant, elle est en faillite. Elle n'est pas capable d'apporter les propositions politiques qu'il faudrait en termes de création de richesses, de répartition du temps de travail, de redistribution, pour répondre en justice sociale et en justice écologiste au moment dans lequel on est, et que ça ouvre un espace beaucoup plus grand à l'importance des expériences désobéissantes, contestataires, locales, alternatives, mais des alternatives en fait qui sont des formes de résistance. Le combat contre le système, à l'époque, c'était beaucoup dans les instances internationales contre les négociations sur les droits des brevets, les plans de restructuration du FMI dans les pays dont les économies s'étaient effondrées, par exemple comme l'Argentine. Aujourd'hui, ce sont des résistances qui s'exercent dans nos vies. C'est-à-dire comment on travaille, comment on habite, comment on se déplace. Et les aides, en fait, elles marquent ça. Et c'est des batailles hyper concrètes. Donc les forums sociaux mondiaux, il y a 20 ans, c'était des lieux de rencontres de collectifs et de syndicats et d'associations qui se retrouvaient derrière cet étendard de l'altermondialisme. Peut-être qu'une autre différence avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, c'était plutôt des militants professionnels, entre guillemets, qui allaient dans les forums sociaux mondiaux. Donc des gens qui étaient soit encartés dans un syndicat, soit quand même très engagés avec des responsabilités dans une association. Alors qu'aujourd'hui, c'est n'importe qui peut débarquer sur une ZAD. Donc tu as une plus grande ouverture. Toute la démocratie représentative et ses formes polémiques, c'est-à-dire les partis, les syndicats, enfin tout ce qui organisait le conflit, se sont constitués, se sont développés sur l'idée que la question de la gestion du commun, la gestion de l'État, de la collectivité, de la société, nécessitait des compétences particulières. C'était même de l'ordre de la science. Il y a au moins un point sur lequel le marxisme et le pouvoir gaullien étaient d'accord, c'est que la politique était scientifique, qu'il fallait élaborer des théories, accumuler des connaissances pour pouvoir prendre une décision juste. Il se trouve que plus la société s'est développée, que ce soit dans le domaine environnemental ou au travail, et plus cette nécessité de délégation de compétences qui justifiait la délégation politique ou syndicale a été mise en doute, à juste titre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société si compliquée que les véritables compétences nécessaires pour prendre une décision, ce sont ceux qui les vivent, qui les ont d'abord. S'il y a cette capacité aujourd'hui de prendre des décisions autrement, de rechercher plutôt le consensus que le vote à la majorité simple pour prendre une décision, on ne vote pas sur des questions techniques, on ne vote pas sur des questions de connaissances. On se met au travail, voilà. C'est parce que on a dans toutes ces zones des gens qui savent beaucoup de choses, pas tout, mais qui savent beaucoup de choses, sans lesquelles on ne peut pas prendre de décision à la légère. Cette question de la compétence et de l'inversion, au fond, de l'ordre des compétences entre la société et le pouvoir remet en cause toute l'architecture de construction de la décision politique, de la gestion des conflits, et rend complètement obsolète cette délégation de pouvoir et un certain nombre de modes de décision, comme le mode de décision par vote majoritaire. Et cette confrontation directe et sans médiation, forcément, est reçu par les pouvoirs en place comme une violence. Il ne se prive pas d'utiliser la violence légitime de l'État, entre guillemets, contre elle, et ces lieux ne se privent pas de se défendre. Voilà. Il y a quelque chose qui est naturellement admis d'emblée, même si ce n'est pas recherché, il y aura confrontation, même si on préférerait être, bien sûr, non-violent. Disons qu'en ZAD, il y a une perspective qui, dans l'esprit des gens, est plutôt révolutionnaire ou parfois insurrectionnelle. Disons que la réinvention des formes de vie, elle est extrêmement importante puisqu'il s'agit de ne pas attendre de l'État d'éventuelles réformes qui pourraient à terme changer la vie de la société dans son ensemble, mais faire ici et maintenant le monde qu'on a envie de voir demain. Pablo Corroyer, universitaire, spécialiste des territoires contestataires. Donc, on va dire sur ces aspects-là, on pourrait y voir une dimension utopique, clairement, avec un pas de côté par rapport aux normes, effectivement, aux normes marchandes, aux normes de genre, aux façons d'envisager la politique, de prendre des décisions. Enfin, il y a clairement une, on pourrait dire, une vie alternative. Mais l'idée d'alternative, elle est souvent assez dépolitisée. On lui retire souvent sa dimension conflictuelle, alors que pour les habitants en ZAD, en général, la dimension d'illégalité et d'affrontement, on ne peut pas l'oublier, disons. Sauf à Notre-Dame-des-Landes d'aujourd'hui et encore, mais disons à Bure ou sur le triangle de Gonesse ou à Roibon ou sur la ZAD de Sivens, à chaque fois on ne peut pas oublier que toutes ces formes de vie en fait sont immédiatement fragiles et immédiatement annihilables presque, j'ai envie de dire. À Bure, plus encore qu'à Notre-Dame-des-Landes, on pourrait dire, l'État a entrepris des formes de surveillance, de judiciarisation, qui, je pense, n'ont pas été vues pour des contestations sociales depuis un moment. Donc on est avant les Gilets jaunes. C'est-à-dire que, en termes de répression policière, au sens, en tout cas, sur la question des violences policières, il y en a finalement eu assez peu, en tout cas, si on compare au mouvement Gilets jaunes, par exemple, ou même si on compare à la ZAD de Sivens, où il pouvait y avoir d'autres violences policières, sans même parler de la mort de Rémi Fraisse. Finalement, à Bure, il y en a eu pas tant que ça. Mais ce qu'il y a énormément, c'est une entreprise systématique de neutralisation de la mobilisation elle-même. À Bure, il y a évidemment énormément de procès de militants, mais typiquement, par exemple, quand on regarde la liste des inculpations depuis 5 ans, on doit être à 60 ou 70 procès depuis 4 ou 5 ans, l'immense majorité, c'est outrage, rébellion, incitation à la rébellion, le reste, ça va être dégradation matérielle et violence volontaire. Les petits illégalismes sont de plus en plus jugés et condamnés assez fermement. Et puis après, il y a la question de la mobilisation elle-même qui va être judiciarisée. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est vraiment un maillage extrêmement serré de dispositifs de surveillance et de dissuasion. Et enfin, il y a eu l'association de malfaiteurs, qui est donc un outil juridique qui a été inventé contre les anarchistes à la fin du 19e siècle, au moment de ce qu'on a appelé les lois scélérates, qui permet de poursuivre toute personne soupçonnée de s'être associée pour commettre des délits. L'efficacité de cet outil juridique-là, c'est qu'en fait, il permet potentiellement de judiciariser toute organisation militante. Mais là, avec l'association de malfaiteurs, de manière quand même un petit peu plus précise, ça permet effectivement de pénaliser le simple fait de s'organiser avec d'autres personnes pour organiser des actions collectives, ce qui se fait à peu près dans toute organisation militante. Voilà, s'ils sont avérés des illégalismes pendant cette action collective, même s'il n'est pas avéré que vous y avez participé personnellement, vous pouvez être condamné. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule chaque fois qu'on abat un arbre. Es-tu sûr d'avoir choisi le bon camp? Rêvais-tu vraiment à ça quand t'étais enfant? Si t'avais choisi ce métier pour protéger les gens, pourquoi es-tu ici en train de protéger leur argent? Si le Chiapas a pu être à ses débuts une lutte armée et si la présence des armes, même si elle est plus au premier plan, reste un outil fondamental dans la négociation et le rapport de force, bah chez nous, non, on va pas à Notre-Dame-des-Landes, on va pas résister militairement à l'État français. Donc la question de la violence est à penser vraiment de façon stratégique et maligne. Alessandro Pignocchi, chercheur en sciences cognitives, auteur d'un ouvrage graphique sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes intitulé « La recomposition des mondes ». Le droit, bien sûr. Pour le coup, c'est évidemment un outil extrêmement important qui a joué à plein dans la victoire de Notre-Dame-des-Landes, en composition avec d'autres. Le droit tout seul n'aurait pas suffit. La violence toute seule non plus. Mais par contre, s'il n'y avait pas eu des cocktails Molotov sur les blindés en 2018, il y aurait un aéroport aujourd'hui, ou en tout cas plus d'habitants sur la ZAD. Le problème du droit, c'est que pour qu'il évolue et qu'il permette des victoires, il faut le rapport de force derrière. Le droit tout seul peut être manipulé dans tous les sens qu'on veut. L'expulsion de la ZAD de 2018 est l'un des événements les plus illégaux de ces dernières décennies. C'est-à-dire que les trois piliers fondamentaux du droit ont été bafoués à ce moment-là. C'est-à-dire le droit pour un accusé de connaître la procédure contre lui, le droit de la réfuter et le droit de monter un contre-argumentaire. Et c'est vraiment ce qui... vraiment la fondation du droit de la personne. Et ces trois éléments-là ont été complètement bafoués, puisque l'État, les structures juridiques, les magistrats, etc., ont refusé de donner aux habitants de la ZAD accès à la procédure qui justifiait l'expulsion. La seule chose qui donne le droit de refuser cet accès-là dans un cas de squat ou d'occupation illégale, c'est qu'on ne puisse pas avoir accès à l'identité des occupants, ce qui n'était évidemment pas le cas. Il y a certains habitants de la ZAD qui sont allés jusqu'à occuper un cabinet d'avocat en disant « en fait, on veut juste exercer notre droit le plus fondamental, c'est-à-dire avoir accès à la procédure ». Et il y a eu en face une solidarité incroyable entre magistrats, avocats, États, etc. pour leur nier ce droit-là. Donc c'est pour dire que bon, le droit tout seul, bon, c'est les puissants qui le font maintenant. Quand le rapport de force est favorable, il y a des façons de le tordre et de le faire évoluer. Alors François Pinatel, quel est le statut juridique pour ce zadiste ? Alors c'est quelqu'un qui occupe illégalement un terrain et auquel un certain nombre de qualifications juridiques vont être appliquées selon le type de terrain qu'il occupe. Si il est occupant du domaine public, ce qui n'arrive quasiment jamais en réalité, hein, parce que ce sont toujours des terrains privés. S'il est occupant du domaine public, c'est le droit de la police administrative qui va s'appliquer. S'il est occupant du domaine privé, ce qui est le cas en général, ce qui a été le cas notamment à Notre-Dame-des-Landes, à ce moment-là, il va relever d'une infraction qui est une infraction spécifique prévue par le code pénal, qui est celui de l'occupation en réunion d'un terrain qui appartient à autrui et qui est puni d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros, je crois. Se pose après la question de savoir si, en plus d'être occupant sans droit ni titre d'un espace public ou privé, il participe à ce qu'on appelle un attroupement, qui est alors une autre qualification pénale qui s'applique, qui est beaucoup plus grave et qui surtout permet aux services de police de procéder à des opérations de dispersion. Cette infraction d'occupation, elle a néanmoins un avantage énorme pour le ZADI, c'est qu'elle a été qualifiée en 2017 par la Cour de cassation d'infraction de nature politique, ce qui veut donc dire d'une part qu'il y a une garantie en termes de droit de la défense qui est beaucoup plus importante que sur une infraction classique, et ce qui veut dire surtout qu'en cas de condamnation, la condamnation ne figurera pas sur le casier judiciaire si elle a été prononcée avec sursis. Ça veut dire que les zadistes, lorsque à un moment donné la procédure pénale se met en cours, ils ont tout intérêt à venir plaider l'infraction la plus grave, qui est celle de l'occupation, puisque sinon ils relèvent d'une infraction de droit commun qui est beaucoup moins protectrice pour eux. Avec l'arrêt de 2017, ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, on est passé à une autre conception de l'infraction politique, dans laquelle, en fait, le motif pour lequel vous occupez, là, puisque là c'était de l'occupation, mais vous commettez l'infraction pénale, est de nature politique ou pas. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes colossaux, parce que la frontière, elle est par exemple avec le système de l'état d'urgence. C'est-à-dire à partir de quand on peut considérer qu'un motif est politique ou pas, légitime ou pas. Est-ce que le terroriste qui va déposer une bombe et qui le fait aussi à des fins politiques peut bénéficier ou pas du régime des infractions politiques. Alors pour l'instant, on a résolu le problème assez simplement, hein. C'est-à-dire que dès lors qu'il s'agit par exemple d'un motif de type écologiste, on considère que le motif étant légitime, n'étant pas contraire aux valeurs de la République, aux valeurs de l'État, etc., elle peut être qualifiée de politique, là où s'il s'agit d'un terroriste, ben, il s'agit de s'attaquer à l'État de droit, et donc ça n'est plus politique, c'est contre l'État de droit, et donc c'est une infraction de droit commun. Je rencontre encore des luttes qui disent que, en fait, le droit, ça devrait être le plus loin possible de la lutte. Chloé Gerbier, juriste de l'association Notre Affaire à Tous. Parce que le droit tue les imaginaires, le droit est aussi, en fait, joué encore, pour certains, avec les armes de l'autre. Donc, en fait, se perdre dans des codes, le droit, en fait, n'a rien à voir avec tout l'imaginaire de l'environnement. Je pense que l'imaginaire du droit est tout l'opposé de l'imaginaire de l'environnement, de la liberté... contre l'imaginaire des codes, etc. À côté de ça aussi, du coup, c'est peut-être encore plus idéaliste de se battre avec le droit, de se dire, ne serait-ce que dans le projet de loi climat, qu'on peut changer ce droit, qu'on peut le rendre plus ambitieux, qu'on peut le rendre en adéquation. Au cours des différentes réflexions que j'ai pu avoir avec des collectifs, avec des personnes autour du droit, en fait, moi, ce que j'aime à dire quand même, c'est que le droit, c'est la structure de la société. C'est-à-dire que les grands combats et les grandes revendications se gagnent par le droit de vote, l'égalité. En fait, on a besoin d'en passer là. C'est une réussite, en fait, parce que ça charpente notre société. On l'a compris au temps du Covid, où à cause d'un petit décret, d'un petit changement de loi, on pouvait plus sortir sans un papier. On sortait sans un papier, on se prenait une amende. Non mais incroyable. Donc en fait, vouloir faire bouger cette charpente-là ou vouloir l'utiliser au profit d'une autre société, est-ce que c'est pas un des gestes les plus militants? Et en même temps, c'est un des gestes qui est aussi hyper idéaliste. Et en fait, le droit de l'environnement étant devenu une matière, étant devenu un corpus, on a vu de plus en plus de spécialistes l'utiliser comme arme et non plus comme comme un avocat qui irait défendre une partie puis l'autre, peu importe, vu que son métier c'est de défendre. Et là, on a du coup une utilisation qui est politique du droit et qui se fait de plus en plus. Et on a eu avec notamment sur Notre-Dame-des-Landes, les tritons, une espèce protégée qui a empêché les travaux de continuer. On l'a eu récemment aussi sur le Charles de Gaulle Express. Et on a commencé à avoir des luttes qui gagnaient par le droit. Et donc, le droit est en train de rentrer comme un des moyens de lutte contre un projet imposé et polluant. Alors, au fond, la ZAD comme outil de la lutte, c'est efficace ou pas ? J'ai envie de dire, déjà, ça dépend quelle lutte. Essentiellement, quand même, les aides, elles se sont faites contre des projets d'aménagement d'infrastructures, infrastructures de loisirs, infrastructures de circulation, de production, de commerce, de transport. Sur ces questions-là, disons que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a obtenu l'abandon du projet d'aéroport. La ZAD de Sivens, au prix de la mort d'un militant, a plus ou moins obtenu l'abandon, sinon plutôt, disons, l'interrogation forte sur le projet de barrage. Le projet de Center Park, ça a été abandonné à Roibon, en Isère. Europa City a été abandonné, même si la gare, le projet de gare est maintenu. Bon, à la mine d'or, il n'y avait pas une ZAD, mais il y avait une lutte avec certaines caractéristiques un peu communes. Disons qu'on peut observer quand même une certaine forme d'efficacité. Et donc, effectivement, les militants écologistes trouvent de plus en plus d'intérêt pour beaucoup à accepter les formes d'action type occupation ou ZAD, parce qu'en fait, elles complètent l'action juridique en empêchant physiquement l'avancée des travaux. Quoi, c'est un outil ou c'est plus qu'un outil ? Ça dépend ce qu'on entend par là, mais non, c'est beaucoup plus qu'un outil. Vu que c'est vraiment l'ébauche d'un monde autre, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment ouvert une brèche d'une taille suffisante pour qu'il y ait un début de processus de réinstitutionnalisation qui reprend vraiment tout à la base, quoi. Qui balaye les structures les plus fondamentales de l'Occident moderne, au premier chef desquelles la distinction entre nature-culture. L'idée extrêmement ancrée qu'il y a les affaires humaines d'un côté, qui dépendent de la culture, du politique, etc. Et de l'autre côté, une sphère autonome, qu'on appelle la nature, et qui est régie par des lois, les lois de la physique et de la biologie, mais qui sont vraiment fondamentalement, ontologiquement indépendantes des affaires humaines. La distinction nature-culture est si fondamentale en nous qu'on n'a pas les moyens spontanément, intellectuellement, de la remettre en question. Si on n'a pas les contre-exemples que nous apporte l'anthropologie, on ne peut pas penser cette distinction-là. Pour penser une idée, il faut être capable d'imaginer son contraire. Or, quand on grandit dans l'Occident moderne, penser ce que seraient d'autres façons de concevoir le monde qui échappent à la distinction nature-culture ne sont pas capturables intellectuellement. Je lisais un certain nombre d'auteurs qui parlaient de ça, et il y avait cette même idée que peut-être dans un lieu comme la ZAD, la façon de se rapporter au territoire, les attaches affectives avec le lieu, la façon dont les usages humains s'enchevêtraient avec des propriétés du milieu, du biotope, comment les liens, surtout dans un contexte de lutte, les liens affectifs extrêmement forts déterminaient la vie des collectifs humains. Peut-être que ça faisait partie des lieux dans l'Occident moderne où justement on était en train de dissoudre dans le foisonnement des usages et l'enchevêtrement des usages cette distinction entre nature et culture dans un territoire comme la ZAD, qui organise ce qu'on pourrait encore appeler les moyens de production, disons, c'est ce qu'on définit collectivement comme désirable, pas du tout ce qui sera plus ou moins rentable. Donc là, c'est vraiment une bascule dans le rapport au monde et dans les institutions qui le structurent qui est totale. Et du coup, c'est pas un outil, quoi. C'est vraiment l'ébauche concrète et charnelle et vécue de la possibilité d'un rapport au monde complètement autre. Je pense qu'il y a des formes de vie, par exemple, qu'on pourrait trouver intéressantes et qui ne peuvent se développer que si elles ont un espace de liberté, un petit peu en dehors des regards pendant un certain temps. Stéphane Tonnola, ethnologue, chargé de recherche au CNRS, spécialiste des interstices urbains. Ça s'est beaucoup passé dans les années 70, suite à 68, dans les communautés diverses et variées en France, mais aux États-Unis énormément. Et ça a permis quand même d'explorer des façons de s'organiser qui ont pour certaines perduré, d'autres qui n'ont pas perduré. Donc c'est des laboratoires, ça c'est important, de se dire qu'on peut peut-être expérimenter quand même. Avec des limites à mettre, bien sûr, pour ne pas tomber dans les sectes ou des choses comme ça. Mais c'est intéressant d'avoir ça. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des formes de vie qui pourraient être très stigmatisées si jamais elles étaient rendues plus publiques. Je pense par exemple à des communautés non mixtes de femmes, par exemple. Aujourd'hui, on voit avec la polémique qu'il y a sur les réunions non mixtes de l'UNEF, c'est mal vu d'être entre femmes. C'est difficile pour des femmes qui voudraient imaginer peut-être au moins pendant une période de leur vie un espace dans lequel elles n'auraient pas à côtoyer des hommes, de le faire en le rendant public. Et donc là aussi, on peut se dire qu'il y a une légitimité à laisser faire des choses, pourvu qu'elles soient là aussi pas des choses avec des phénomènes criminels. Donc c'est important qu'on se donne ces outils aussi. Il n'y a pas d'institutions solidifiées. Les institutions sont fluides et se transforment en permanence, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et c'est une des vertus de ces territoires-là. Peut-être que important d'avoir à l'esprit, c'est que ce n'est pas un collectif unique, la ZAD évidemment, quoi. c'est une constellation de collectifs, et la prise de décision collective est parfois extrêmement complexe, il y en a eu plein de formes, il y avait une assemblée des usages, une assemblée des habitants, et effectivement une tentative de prendre des décisions au consensus, mais encore une fois c'est très mouvant, et du coup les territoires comme les ZAD, les mouvements autonomes en général, les squats, etc., tous les lieux où on essaye de s'organiser collectivement un peu à l'écart des institutions d'État sont une fabuleuse école pour apprendre ou réapprendre un peu ce qu'est l'organisation collective. C'est frappant quand on compare les mouvements sociaux en Europe avec ce qui peut se passer en Équateur, en Bolivie, au Chiapas, des endroits où il y a encore des structures autochtones, des mouvements indigènes qui ont un peu plus l'habitude que nous de s'organiser à plusieurs, quoi. Quand une vallée bolivienne à Cochabamba, on est habitué à s'organiser depuis qu'on est petit à 10 000 personnes. Évidemment, quand on transforme ça en un mouvement de lutte qui veut destituer le président, on est plus efficace que chez nous, où vraiment l'individualisme nous tient par les corps, là aussi de façon complètement inconsciente, et nous rend vraiment assez inaptes à prendre des décisions collectives. Et donc les territoires autonomes offrent une fabuleuse école pour prendre un peu cet individualisme structurel et trouver ou retrouver des affects plus compatibles avec l'organisation collective, quoi. Du coup, bah, ça se réapprend petit à petit par la pratique. Maintenant, il y a des enfants qui naissent à la ZAD, peut-être qu'ils seront plus aptes que nous à prendre des décisions collectives, mais c'est sûr qu'on n'opère pas une révolution cosmologique de cette ampleur d'un coup. Alors Pablo Corroyer, est-ce qu'il y aurait une taille critique au-delà de laquelle ça ne tiendrait plus et au-delà de laquelle on serait obligé de reproduire ce contre quoi on se bat ? Effectivement, au-delà de 200-300 personnes, il semble difficile, par exemple, de faire de la démocratie directe, en tout cas dans sa forme assembléiste, où tout le monde doit être présent, où tout le monde doit participer à toutes les décisions. Clairement, au-delà de 200-300 personnes, c'est plus possible. Et effectivement, sur la question des gilets jaunes ou des apatistes, qui demandent des coordinations régionales, nationales, européennes, et donc immédiatement, ça implique des tailles complètement différentes et pas les mêmes formes d'organisation, avec de la délégation. Donc des personnes qui acceptent de déléguer leur pouvoir, même si elles le font par le biais du mandat impératif, mais qui acceptent de déléguer leur pouvoir à d'autres. Et donc à ce moment-là, on arrive sur d'autres formes d'organisation. Moi, je suis persuadée que l'auto-organisation, la solidarité, la mutualisation, les communs, si on regarde l'histoire et pas juste l'histoire récente, en fait, ça a quand même été la manière de s'organiser de la plupart des civilisations, ou pas civilisations en tout cas, pendant la plupart de l'histoire humaine. Isabelle Frémaux, maître de conférences en Media and Cultural Studies au Birkbeck College de Londres. Sa recherche action explore l'éducation populaire, le storytelling et les formes créatives de résistance. Elle est l'auteur, avec John Jordan, d'un ouvrage film, Les Sentiers de l'Utopie. En fait, on se dit ça ne peut pas marcher à 1 million si on imagine le même système pour 1 million de personnes. Il me semble que ce qu'il faut qu'on arrive à repenser et à remettre en action, c'est la fédération, la mise en réseau de manières de faire qui sont différentes, mais qui sont basées sur les mêmes principes, parce qu'en fait, moi, je pense que très profondément, les principes des communs, de la mutualisation, de la solidarité sont plus proches de ce à quoi on aspire vraiment que la compétition, l'individualisme. Donc oui, la question des échelles, c'est évidemment une question cruciale, mais qu'il faut réussir, elle aussi, à repenser. C'est quoi ? C'est une question d'éducation, d'enseignement, de culture ? Oui, je pense qu'on se fait rattraper à longueur de temps par cette idée d'universalisme. C'est qu'à chaque fois, on se dit « Ah, mais le truc qui marche à 10, si on n'arrive pas à le faire marcher à 1 million, ça veut dire que ça marche pas. » Bah non, ça veut dire que ça marche à une certaine échelle et qu'effectivement, quand on passe de 10 à 50, on s'y prend plus de la même manière. De 50 à 150, on s'y prend plus de la même manière. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut transformer les manières de faire à 10, à 50, à 150. Ça veut dire qu'il faut penser les différentes échelles différemment. Et oui, je pense qu'effectivement, c'est un des impacts délétères de la modernité. Cette question de l'universalisation de tout et de ce régime de pensée qui est basé sur la séparation et la binarité. Des gens qui ont vu l'effondrement de leur monde de manière répétée et qui sont toujours là et qui sont toujours en lutte, en fait, il y en a plein. Et donc, plutôt que d'essayer de les faire taire et de continuer à les écraser, peut-être à un moment donné, on va aller apprendre de leur manière de faire. Plus de flics au carrefour de nos doutes, plus de week-ends pour baliser les routes qui nous conduisent aux prairies dépolluées où l'on se couche dans les doux soirs d'été. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. C'était Génération ZAD aux origines de la colère, avec Chloé Gerbier, François Pinatel, Jadeline Gart, Stéphane Tonnella, Alessandro Pignocchi, Alain Berthaud, Pablo Corroyer, Philippe Artière, Thomas Leroux, Renaud Becco, Chloé Gerbier et Isabelle Frémaux. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. Réalisation Marie-Laure Ciboulet, mixage Olivier Dupré, coordination Perrine Carvran et Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire d'Alain Lefkovitch, assisté de Philippine Rouvière-Flamand pour la série documentaire. On a beau fouiller les quatre horizons, rien n'est plus poétique que l'autogestion. Il n'y aura plus de conneries à la radio, rien que des idées, rien que du nouveau. Connaissance et plaisir seront mêlés, il y a les speakers qui devront changer de métier. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Millau, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs, et pour se parler, Twitter et même Instagram. Demain, troisième épisode, le laboratoire de Notre-Dame-des-Landes. Mes pensées aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.